Eh bien, ma petite, que Wenceslas vienne chez la personne qui l'obligerait à ma prière. C'est Madame Marneffe. En la flattant, car elle est vaniteuse comme une parvenue, elle vous tirera d'embarras de la façon la plus obligeante. Viens dans cette maison-là, ma chère Hortense. » Hortense regarda Wenceslas de l'air que doivent avoir les condamnés à mort en montant à l'échafaud. « Claude Vignon a présenté la Steedman, » répondit Wenceslas. « C'est une maison très agréable. » Hortense baissa la tête. Ce qu'elle éprouvait, un seul mot peut le faire comprendre. Ce n'est pas une douleur, mais une maladie. « Mais ma chère Hortense, apprends donc la vie !» s'écria Lisbeth en comprenant l'éloquence du mouvement d'Hortense. « Sinon, tu seras comme ta mère, déportée dans une chambre déserte où tu pleureras comme Calypso le départ d'Ulysse, à un âge où il n'y a plus de Télémaque, » ajouta-t-elle en répétant une raillerie de Madame Marneffe. « Il faut considérer les gens dans le monde comme des ustensiles dont on se sert, qu'on prend, qu'on laisse selon leur utilité. Servez-vous, mes chers enfants, de Madame Marneffe, et quittez-la plus tard. As-tu peur que Wenceslas, qui t'adore, se prenne de passion pour une femme de 4 ou 5 ans plus âgée que toi, fanée comme une botte de luzerne et... »